still dead, Mark? Je suis punk, de Caroline de Cargario. Dandysme et Génération X. Les frères aînés des punks ont vécu mai 68. C'est une génération militante, impliquée dans la vie de la cité et qui se prend terriblement au sérieux. C'est plus contre ses frères aînés que contre leur père que les punks vont se définir. En 1968, ils étaient à l'école primaire, pas sur les barricades. Après avoir regardé Bonne nuit les petits, puis plus tard l'interminable feuilleton quotidien de la guerre du Vietnam à la télévision, non seulement ils sont vaccinés contre la violence, mais surtout ils ne croient plus à la possibilité de changer le monde. Che Guevara n'est pas leur idole. Ils ne sont pas désespérés, mais désabusés et lucides. Ce désintérêt assumé du collectif est vu comme de la mollesse, de l'indifférence, voire de l'égoïsme. On parle à leur sujet de bof génération. Pourtant, les punks adoptent une position autrement subversive que de poser des bombes pour exprimer le refus du monde qu'on leur propose, le dandysme. Cette génération punk, c'est aussi la génération X, qui survient après les baby-boomers, une génération unique. Elle bénéficie de la contraception et du droit à l'avortement, mais ignore encore tout du sida. C'est la seule génération de toute l'histoire humaine à s'envoyer en l'air en toute sérénité. Generation X est le titre d'une étude sur la jeunesse britannique. Publiée en 1965, l'enquête a d'abord été commandée par un magazine féminin. Le rédacteur en chef explose quand il en prend connaissance. Vous êtes en train de me dire que les jeunes couchent ensemble avant de se marier, qu'ils ne croient pas en Dieu, haïssent la reine et ne respectent pas leurs parents? Je ne peux pas imprimer ça. L'ouvrage rencontre un succès considérable. Un exemplaire figure dans la bibliothèque de Mrs. Broad, la mère de William, dit Billy Idol, qui décide qu'il s'agit là d'un bien meilleur nom pour son groupe que Chelsea. Your generation. L'expression Generation X en vient à désigner non plus la génération du swing in London, mais celle qui a plus ou moins 20 ans en 1977. En France, on la nomme bof génération. Celle-ci se caractérise par son côté désabusé, particulièrement vis-à-vis de la politique. Elle est décrite comme apathique, sans illusion et sans espoir, et ne sachant même plus, face aux grands problèmes du temps, distinguer le oui du non. Le mot bof est déjà accolé à la jeunesse depuis quelques années. Dans sa propre enquête, La planète des jeunes, Jean Duvigneau remarque chez eux un état général de désintérêt, dont le célèbre bof est le symbole, ce qui les démarque fortement de la génération précédente. Le sujet de l'histoire que voulait être la classe d'âge active et activiste de 68, on est devenu spectateur puisque, comme le prévoyait Guy Debord, le jeu social tend à s'effacer derrière une vague théâtralisation des événements. Du côté de l'action politique et de l'avenir de la société, quelque chose est cassé. La croyance en début de collectif qui réalise une cause. La situation que les jeunes explorent reste celle du présent, de leur présent. Les punks vont émerger de cette génération de jeunes gens jugés incapables de regarder vers le futur. Mais tout le monde ne les voit pas aussi passifs et mollassons que Jean Duvigneau. D'après Stéphane Pietri et Alexis Quinlin en 1977, les punks sont... anarchistes, individualistes, sectaires et décidés, la vision du chaos. Ils sont anti-occidents, anticonformistes, anti-bourgeois, anti-libéraux, antifascistes, anti-écologistes, anti-prolétaires, anti-classe sociale, anti-clichés, anti. l'éloignement des valeurs unanimement considérées comme positives caractérise le punk. Le XXe siècle a promis monts et merveilles au monde entier. Des lendemains qui chantent, une technologie libérant du travail pénible, plus de loisirs, plus de justice, la fin de la pauvreté et de l'aliénation, des promesses qui n'ont pas été tenues. En revanche, les morts causées par les totalitarismes se comptent en dizaines de millions. Rien d'étonnant à ce que cette belle jeunesse de la fin des années 70 éprouve une légère impression de désenchantement. Nous sommes la génération rétamée. L'idéal, ça me fait mal au crâne. La gauche, elle s'est assise sur nos thèmes et nous a piqué nos mots. L'idéologie, elle cache la vue. Dès 1973, Yves Adrien, figure de la critique rock française, souligne à quel point l'action politique est devenue ennuyeuse aux yeux des plus jeunes. Les teenagers préfèrent le bubblegum au marxisme. Pour l'ancien vendeur de l'open market, le gauchisme est entièrement responsable de son remplacement par le rock, qu'il n'a cessé de stigmatiser comme pratique bourgeoise aliénante. Les vieillards en battle dress se sont coupés du public du rock. Imposer ne suffit pas toujours à séduire. La conclusion de ce texte est d'une justesse prémonitoire. La musique rock n'a que faire des slogans. Lorsqu'elle est politique, c'est le plus souvent inconsciemment. En 1976, Alain Pacadis emboîte le pas à Yves Adrien. Le rock est la seule musique analysable dans l'histoire. Le point final du matérialisme dialectique, son point limite. Le moment de sa fusion avec le réel. De son côté, Jean Duvigneau se demande s'il faut s'étonner de cette perte de prestige de la politique. Manifestement, les valeurs du collectif n'ont plus rien de désirable aux yeux des jeunes. Elles sont caractérisées par leur pauvreté, note le sociologue, tout comme les valeurs de l'avenir. Il semblerait qu'il n'y ait pas plus de futur en France qu'en Angleterre. Et que dire du passé ? Ces jeunes gauchistes de Paris mettent dans le même sac De Gaulle et Hitler parce qu'ils ont tous les deux fait la guerre. C'est leur lucidité politique qui affole. Note au contraire le futur manager de Taxi Girl, Alexis Quinlin, en parlant des punks de 1977. On ne pardonne pas aux punks d'établir une analogie entre les idéaux de droite et ceux de gauche, de dénoncer les dictatures de toutes sortes. Un seul thème reste fédérateur pour Jean Duvigneau, l'écologie. Même conclusion dans la revue Actuelle. S'affichent deux sortes de révoltes. Les plus optimistes se retrouvent écolos, forts d'une utopie positive. Les pessimistes, ce sont les punks. Punk, symbole noirâtre et nihiliste, degré zéro des valeurs positives. Comme un reflet ultime des années noires, un trait tiré très vite sur la génération d'avant, ces générosités qui passent tout d'un coup pour des illusions. Les punks sont des réalistes antisocialistes, anticapitalistes, anti-tout. Cependant, Métal Urbain prend soin de rappeler que le fait politique ne se résume pas à l'action politique, telle qu'elle est entendue par les militants. Le seul fait de sortir dans la rue, c'est déjà de la politique. Quand t'existes vraiment et que tu ne te contentes pas de vivre, c'est politique. La conviction profonde qu'il est inutile de chercher à changer le monde imprègne fortement la génération punk. John Mayo, de Dr. Feelgood, a une position nette sur la question. On veut pas être comme les Clash, par exemple, qui mènent une action politique à travers leur musique. On n'a pas l'ambition de changer le système. C'est impossible. La musique peut rien pour ça. Un groupe qui dit aux gens ce qui est bon et ce qui l'est pas, ce qu'il faut faire, c'est tout simplement du fascisme. Si les punks renoncent à changer le monde, ils remettent aussi en cause le travail. Jimmy Percy, de Sham 69, déclare qu'il ne veut pas travailler à l'usine, qu'il ne veut pas faire grève, qu'il ne veut pas faire la queue au chômage, qu'il ne veut pas travailler jusqu'à 65 ans. Il ne veut pas non plus monter au ciel. Pour résumer, il refuse résolument la vie du prolétaire anglais. Je n'en ai marre about every day we go to work and every day we're a dog's body. And everybody lives for the weekend. It's about time everybody lives for the weekend every night. And I wanna be me. Je ne veux pas travailler à l'usine. Je ne veux pas faire la grève. Je ne veux pas pointer au chômage. Non, je ne veux pas. Non, je ne veux pas. Non, je ne veux pas être. Je ne veux pas travailler jusqu'à 65 ans. Je ne veux pas de montre en or. Je ne veux pas de médaille du travail. Non, je ne veux pas. Non, je ne veux pas. Non, je ne veux pas être. Je ne veux pas vivre dans les hauteurs. Je ne veux pas m'enterrer là-haut. Je ne veux pas vivre dans un gratte-ciel. Non, je ne veux pas. Non, je ne veux pas. Non, je ne veux pas être. C'est que la valeur morale du travail commence à être sérieusement remise en question. Dans Pretty Vacant, les Sex Pistols réclamaient le droit de ne pas travailler et le droit d'ignorer toutes les valeurs qui vont avec le travail. La persévérance, l'ambition, la piété, la frugalité, l'honnêteté, l'espoir, le passé pour l'expiation duquel Dieu inventa le travail, le futur que le travail est censé construire. Véritable coup de canif dans l'idéologie du XXe siècle, qu'elle soit libérale ou socialiste, ce droit au non-travail est réclamé avec plus de malice encore par Léo Lievenstein, qui n'hésite pas à le tourner en ridicule dans un morceau intitulé « Fier de ne rien faire ». Le punk est la chose la plus excitante qui se soit produite pour cette génération. Écœurée des belles promesses non tenues, elle éprouve un sentiment libératoire à admettre enfin que le monde ne va pas si bien que ça. À être dans le réalisme et non plus dans un idéalisme trompeur. Chacun, avec ses propres mots, évoque la même chose. La productrice et réalisatrice canadienne Mary Harron parle de nihilisme. Les gens avaient besoin d'exprimer quelque chose d'aussi négatif. Cette négativité avait quelque chose de libérateur. Il y avait du nihilisme dans l'atmosphère, une pulsion de mort, l'impression qu'on était sur le point de se désintégrer. Mais c'était quelque chose de presque merveilleusement mystique. La génération précédente avait un fonctionnement communautaire et égalitaire. Pourtant, malgré son credo libertaire, elle s'est retrouvée plus d'une fois à plébisciter un chef, un gourou. Le goût de remettre son sort entre les mains d'un leader charismatique est en revanche tout à fait absent de la psychologie du punk. Il fait les choses par lui-même, à commencer par penser. Et s'il a commis une erreur, il en est le seul responsable. « Je me détermine seul », lit-on dans l'almanach d'Actuel en 1978. On m'a dit qu'il ne fallait pas regarder la télé. Je la regarde, puisque c'est le réel des gens. Les écolos m'ont dit que les hamburgers foutaient le cancer. J'en mange, je calcule pas ma vie. Je me prive pas de cigarettes pour vivre 3 ans de plus. Même son de cloche chez Joe Strummer des Clash. Quand Alain Pacadis lui demande quelles sont ses bases politiques... Je crois qu'il ne faut suivre qu'un chef. S'éloigner du collectif mène assez naturellement à l'individualisme, comme chez Johnny Rotten. Ma politique est un sens absolu de l'individualisme. Mais il ne faudrait pas confondre individualisme et égoïsme. Le but, c'est d'être vous-même. Soyez un putain d'individu. Soyez vous-même est assurément le slogan le plus radical dont a été capable le punk à ses débuts. En effet, si le punk se méfie de l'action collective, il n'opte pas davantage pour l'inaction. Sa préférence va à l'action individuelle, personnelle, pour reprendre le terme utilisé par Rotten. On ne demande l'aval de personne, on n'oblige personne et si l'on convainc, c'est par l'exemple. Avec le recul, on peut estimer que sans avoir fait le lit du thatcherisme, le punk ne lui a pas franchement barré la route. Les jeunes s'éloignaient de plus en plus de la politique. Ils étaient complètement apathiques. Et c'est exactement ça que les conservateurs voulaient. Concernant le punk, la notion d'anarchie revient régulièrement. Faut-il le rappeler, le premier 45 tours des Sex Pistols s'intitule « Anarchy in the UK ». En 1978, Johnny Rotten fait remarquer qu'en Angleterre, depuis des années, l'apathie était reine. C'est pour ça que j'ai prêché l'anarchie, pour déclencher quelque chose. Mais jamais d'un point de vue politique. La politique, c'est de la merde. Moins de 15 ans plus tard, il tient à préciser qu'il ne s'agissait pas dans son esprit d'anarchie politique. laquelle est juste un outil de manipulation des classes moyennes, mais d'une anarchie personnelle. Dans l'univers punk précoce, quand on parle d'anarchie, ce n'est pas celle qui tend à créer un nouvel ordre social en recourant si besoin est à la force. Aucun groupe punk, même parmi les plus politisés, n'a jamais appelé à la révolution violente. À la grande différence d'un groupe précurseur du punk comme MC5. Dans un souci de sensationnalisme, la presse des années 70, surtout au Royaume-Uni, a exagéré le côté jeunesse désespérée sans aucune perspective d'avenir, condamnée à pointer au chômage et trop déprimée pour penser changer un monde qui tourne à l'enfer. En effet, le slogan « No Future » est devenu l'estampille du punk et par sa force a contaminé toute la perception du mouvement. Or, « No Future » n'est ni un programme, ni une menace, ni même une promesse. Il s'agit du titre que Johnny Rotten voulait donner au morceau finalement intitulé « God Save the Queen ». La rage exprimée par Johnny Rotten face à un horizon bouché n'est pas le cri de découragement, encore moins de désespoir de toute une génération. S'il y a désespoir, il n'est pas nécessairement conscient. Le punk ne change pas le monde par l'action collective, politique ou armée, mais le prend tel qu'il est foutu, pourri, condamné à court terme. Depuis l'autre côté de l'Atlantique, le cofondateur du magazine Punk, Legs McNeil, déclare « Le punk ne parlait pas de déclin, il parlait d'apocalypse. Le punk parlait de l'annihilation. Rien n'a marché, donc allons droit à l'Armageddon. » En 1977, Bernard-Henri Lévy, qui deviendra le porte-drapeau des nouveaux philosophes, vient de faire son entrée médiatique et elle est fracassante. 5 millions de téléspectateurs. Qui sont les nouveaux philosophes ? En quoi sont-ils nouveaux, ces anciens gauchistes qui ont répudié le totalitarisme ? La journaliste Aude Lancelin salue la redoutable efficacité avec laquelle ils ont réussi à démonétiser en une saison un marxisme qui structurait toute l'intelligentsia française d'après-guerre. L'auteur de La barbarie à visage humain attaque l'optimisme issu des Lumières et prophétise un sombre avenir. Pour la première fois, les dieux nous ont quittés, là sans doute de s'égarer sur la plaine calcinée où nous faisons notre demeure. Ce qui, dans un style beaucoup plus grandiloquent, n'est pas sans rappeler certains rêves anglais dépourvus de futur. « Si j'étais poète, je chanterais l'horreur de vivre », ajoute-t-il. « Si j'étais musicien, je dirais les rires imbéciles et les pleurs impuissants, l'atroce tohu-bohu que font les égarés, tandis que, campant dans les ruines, ils attendent le coup du sort. » Heureusement, il va se trouver quelques poètes et musiciens capables de mettre ces perceptions en mots plus simples. Ils s'appellent les punks. L'avait déjà perçu en interviewant des jeunes filles qui souffraient le martyr dans leurs atours en latex. On ne s'habille pas pour être beau, ni pour se sentir confortable dans ses vêtements. On s'habille pour exprimer quelque chose de soi ou de ce que l'on pense du monde. Viv Albertine, guitariste du groupe The Slits, ne dit pas autre chose quand elle décrit Sioux Si Sioux et son soutien-gorge qui laissait voir ses seins. C'était comme porter sur soi ses idées et témoigner d'une attitude face à la vie. Johnny Rotten dit de même, il ne suffit pas de s'habiller, il faut aussi avoir de l'allure. Le but est surtout d'affirmer certains partis pris délibérés. Cette attitude, ils sont nombreux dans le punk à la nommer dandisme. L'habit du dandy est l'ornement hautement significatif d'un corps et l'expression complexe d'une pensée. Emboîtant le pas au dandy du 19e siècle, Patrick Hudlin, du groupe Asphalt Jungle, réaffirme la vulgarité et la laideur du naturel. Le dandisme, c'est une manière de considérer la vie. On sait que la vie est absurde, on sait tout ça. Le dandysme, c'est la seule manière de donner de la dignité à la vie. Quant au romancier Maurice Dantec, il relie plus fortement encore dandysme et punk. Le punk est une invention semi-collective d'un petit groupe de dandys, écrivains et journalistes, et d'une collectivité encore plus restreinte de musiciens. Le punk, considéré comme un élitisme, un jockey club des artistes, voici un point de vue qui en surprendrait plus d'un. Ne serait-ce que par leur apparence, les punks nient et même ridiculisent les valeurs du monde qui les entoure. Une attitude risquée. Les Sex Pistols et tous les punks agressés dans la rue pour la seule raison qu'ils étaient punks en ont fait la douloureuse expérience. Le dandy nie les valeurs de la société, mais il ne va pas pour autant s'abaisser à réformer celle-ci. Sa seule action, se détourner de ce qu'il ne peut approuver, en adoptant des attitudes anarchistes ou nihilistes. Le dandy ne se résigne pas, il s'oppose. Tout son comportement est une protestation contre la société et contre la nature. Comment ne pas penser au ton tragique du commentaire de Claude Gagnaire qui accompagne le sujet qu'Antenne 2 consacre au punk en 1977. Les hippies s'étaient opposés à la guerre du Vietnam, les punks ne s'opposent à rien, ils révèlent, ils caricaturent. Il a saisi cette notion de résistance passive mais non dénuée de virulence que les punks partagent avec les dandys. Notons que le dandysme est avant tout un certain nihilisme issu de la prise de conscience de l'inutilité de tout projet idéaliste ou réformiste. L'anthropologue Marie Rouet a elle aussi conclu dès 1986 à la résurgence d'une certaine forme de dandysme dans l'attitude punk. Ils étaient à bout d'impertinence. Ils ont eu l'idée de faire râper leurs habits avant de les mettre jusqu'à ce que l'étoffe ne soit plus qu'une espèce de dentelle. Du do-it-yourself avant la lettre. Comment fabriquer à la maison votre habit râpé avec un simple morceau de verre? On pense aussi à l'aphorisme baudelairien. Ce qui est enivrant dans le mauvais goût, c'est le plaisir aristocratique de déplaire. Le punk, lui non plus, ne veut pas plaire, il veut seulement être lui-même. Ce qui parfois le mène à se singulariser de façon radicale, mais ce n'est pas son but premier. Comme le dandy, il est créateur de son image et méprise les poseurs qui s'imaginent qu'on peut s'en acheter une toute faite. Il choque, non pour effaroucher le passant, mais pour exprimer quelque chose sur la société et l'amener à réfléchir sur elle-même, comme lorsqu'il tient sa punkette en laisse. Contagion, contagion, contagion, contagion. La pollution, c'est super bon, ça finit dans des moutons. Contagion, contagion, contagion, contagion. L'aliénation, c'est la raison, c'est la base d'une constitution. Ah! À trois dans les water. C'était Je suis punk de Caroline de Cargario. 5. Dandysme et Génération X. Avec Elodie Hubert, Romeric Seguin, Mathurin Voltz, Marion Malenfant, Alizé Soudet, Émilie Blond-Metzinger, Sylvain Desguillames, Vincent Bramoulet, Bartholoméo Boutelis, Aymeric Le Serre. Équipe de démolition, Emmanuel Chevrière, Éric Villenfin, Laetitia Delgado, Laure Chastan, Jean-Mathieu Zande. Nos futurs, une histoire du punk, de Caroline de Cargario, est publiée aux éditions Perrin. Punk's Not Dead. À demain.